Des gens, ils cherchent toujours le sauveur de l'extérieur, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que il faut avoir une compréhension de la stratégie, de la tactique, c'est-à-dire le plan global, avoir une vue d'ensemble, un pas de recul, mais aussi la compréhension des lois de l'énergie sur le terrain, la tactique. Et malheureusement, le bon peuple, si je puis dire, il n'est pas éduqué à ça. C'est des choses qu'on n'enseigne pas publiquement. Donc, si vous relisez La psychologie des révolutions de Gustave Le Bon, oui, la foule est imprévisible. C'est pour ça qu'elle va être conditionnée à l'avance au niveau de ses mouvements par les gouvernants, ceux qui ont une réelle science de la gouvernance. Il y a une espèce de coup d'État au niveau mondial, au niveau du financier, du bancaire et de la gestion de la ressource humaine. Parce que pour des physiocrates, les gens, c'est de la ressource. Comme du riz, comme du blé, comme des patates. Ça, c'en est de l'occulte concret. Le monde pense que les affaires occultes, c'est de la petite. Non, non. C'est très, très, très concret. C'est de la géométrie sociale. On n'est pas dans des affaires d'invocation puis de spiritisme, là. Les sciences occultes, c'est ce genre de choses-là. C'est ça, de l'occulte. C'est pour ça que c'est pas enseigné au monde, puis que c'est encodé dans de la symbolique, puis que c'est passé de gens qui comprennent d'un à l'autre, pendant que la masse, les grands véhicules, eux autres, ils pensent que c'est des affaires mystiques. En tout cas, vous savez, ceux qui tirent l'énergie, c'est des vampires, et c'est une science, ce qu'ils ont, et c'est un groupuscule, et puis c'est au sens d'une initiation, au sens de la connaissance. Donc, l'art de gouverner l'énergie des masses, c'est une science occulte au sens où c'est caché au public. Puis ça ne sera jamais enseigné dans les universités ou les écoles telles qu'on l'entend. C'est le genre de choses qui sont enseignées dans des institutions, oui, mais ce qu'on pourrait appeler des groupes liés à une caste. D'accord? Donc, il faut la voler, il faut la prendre de force, cette connaissance-là, pour quand on est issu du petit peuple, il faut savoir déchirer les voiles du bout de ses doigts et être un être supérieur à eux. Dans le sens que il n'y a personne qui va vous initier au niveau de la connaissance, il va falloir prendre l'information de force. C'est tellement subtil. Si vous regardez, prenez Washington. Vous regardez Washington, des espèces d'architecture néoclassique, franc-maçonnique, puis ça a une vibration de retour au paganisme, au classicisme au sens antique du terme, puis les initiations des cultes à mystère. Vous regardez Ottawa, c'est une espèce d'architecture néo-gothique, pseudo-Tudor mélangée à du gothique français, genre victorien. On dirait des décors de films les films d'horreur anglais là, des années 30. Ça, c'est facile à voir au sens de la vibration à quoi on a affaire. On a affaire à des castes qui se réclament de. Il y a eu une transmission de. Je veux dire, Ottawa, regardez les édifices. C'est fait pour impressionner, c'est fait pour être oppressant presque. Ben oui, c'est beau, c'est certain que c'est beau. Ben beau, ça dépend de la sensibilité esthétique, là, mais moi je trouve que ça ressemble à des décors de films des films d'horreur des années 30. C'est une espèce de victorianisme constipé.